le baron a décidé de marier son fils mendiant à Camille, sa cousine Germaine, avec les dispenses nécessaires de l'église en pareil cas, le mariage entre cousins germains. Mais les retrouvailles entre le cousin et la cousine sont décevantes. Camille, qui vient d'admirer le portrait d'une aïeule religieuse, reste insensible aux souvenirs d'enfance évoqués par son cousin mendiant. Contrarié, en présence du cœur des paysans, il fait venir Rosette, sœur de lait de Camille. « Descends vite, Rosette. Viens ici. »« Oui, monseigneur. Tu me voyais de ta fenêtre et tu ne venais pas, méchante fille. Donne-moi vite cette main-là. Et ces joues-là que je t'embrasse. »« Oui, monseigneur. Es-tu mariée, petite ? On m'a dit que tu l'étais. »« Oh non ! Pourquoi ? Il n'y a pas dans le village de plus jolie fille que toi. Nous te marierons, mon enfant. » Le cœur. « Monseigneur, elle veut mourir fille. » Est-ce vrai, Rosette ? Oh non ! Ta sœur Camille est arrivée, l'as-tu vue ? Elle n'est pas encore venue par ici. Va vite mettre ta robe neuve et viens souper au château. » Et le baron est consterné d'apprendre que son fils mendiant courtise une jeune paysanne.